Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Now I will give instruction how to Vipassana meditation. À présent, je vais donner des instructions sur la façon de pratiquer Vipassana. Le Bouddha a enseigné comment pratiquer la méditation et je vais exposer cela brièvement afin de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait pratiquer la méditation Vipassana. Nos esprits sont pollués, sont contaminés. Si on pratique Vipassana, on peut purifier nos esprits. Comment les purifier? C'est par la pratique de Vipassana. Donc, comment pratiquer Vipassana? On pratique Vipassana de la façon dont le Bouddha l'a enseigné. Et donc, lorsque on est assis, on prend la posture jambes croisées. Et le haut du corps doit être bien droit. Ensuite, on maintient son esprit sur l'objet principal. L'objet principal, dans notre cas, c'est l'abdomen. Vous devez garder les yeux fermés, pas mi-clos, mais complètement fermés. Et ensuite, vous devez maintenir votre esprit sur l'abdomen. Essayez de voir votre abdomen avec votre esprit. Respirez naturellement, ni trop fort, ni trop doucement, et essayez de le faire avec attention tout le temps, de façon continue. Lorsque vous inspirez, vous verrez que l'abdomen se soulève. Lorsque vous expirez, vous verrez que l'abdomen s'abaisse. Ce soulèvement et cet abaissement, c'est l'objet principal. Vous devez en prendre note. Vous notez quand l'abdomen se soulève, vous notez soulèvement. Quand l'abdomen s'abaisse, vous notez abaissement. Essayez de prêter une attention rapprochée à cet objet. Essayez d'être attentif. Donc, si vous parvenez à noter soulèvement et abaissement de façon rapprochée, votre esprit ne va pas s'envoler, il ne va pas aller ailleurs, et les pensées n'auront aucune chance d'apparaître. C'est pour cette raison qu'il vous faut noter de manière rapprochée à chaque instant. Essayez de prendre note de ce mouvement de façon rapprochée afin que vous puissiez ressentir ce mouvement de façon claire. Mais si vous ne deviez pas ressentir ce mouvement de façon claire, même en notant de manière rapprochée, vous pouvez aussi mettre une main sur l'abdomen et à ce moment-là, le mouvement deviendra très clair. Si vous parvenez à voir ce mouvement de façon rapprochée, c'est très bien. Vous devez essayer d'être attentif à chaque respiration. Lorsque vous êtes assis, essayez de rester immobile. Essayez de rester calme. Essayez de ne pas bouger, de ne pas changer de posture. De cette façon, votre corps sera stable et vous pourrez respirer précautionneusement en prenant note du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen de façon rapprochée. Et ainsi, votre esprit va se concentrer facilement. Essayez donc de rester calme, immobile, et de noter l'objet principal. Essayez de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen autant de fois que vous le pouvez. Mais même si vous vous efforcez de le noter autant de fois que vous le pouvez, de façon continue, à un moment, à certains moments, Vous serez incapable de le faire. Vous serez incapable de noter ce mouvement de façon rapprochée. Et vous saurez vous-même pourquoi. C'est parce que votre esprit s'envole, votre esprit part, il pense, il imagine, il vagabonde, et vous devriez en être conscient. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Dès que vous prenez conscience que votre esprit est parti, prenez note, prenez en note immédiatement, instantanément. Essayez de ne pas suivre la pensée. Dès que vous en prenez conscience, faites une note mentale. Pensez, pensez. Dès que vous le savez, faites une note mentale. Et quand vous pratiquerez de cette façon, la pensée va s'arrêter. Elle va disparaître. Lorsque vous prenez conscience que votre esprit est en train de voyager, de vagabonder, notez-le immédiatement. Vagabonder, vagabonder, vagabonder. Et lorsque vous le ferez, le vagabondage va cesser, il va disparaître. Et vous revenez à l'objet principal, au soulèvement et à l'abaissement comme précédemment. Si vous parvenez à noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen de façon rapprochée, il n'y aura aucune pensée et votre esprit pourra être concentré. C'est pourquoi il faut accorder une attention rapprochée au mouvement de l'abdomen. Notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Quand on note le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on pratique Kaya Nupassana en pali, l'attention au corps. Et quand vous notez les pensées qui apparaissent, vous pratiquez Citta Nupassana, l'attention à l'esprit. Donc j'ai expliqué pour la méditation assise l'attention au corps, Kaya Nupassana. En notant les pensées, l'attention à l'esprit, Citta Nupassana. Ensuite, lorsque vous pratiquez la méditation assise, que vous restez immobile, que vous ne changez pas, que vous ne bougez pas, que vous ne changez pas de posture, si vous n'avez pas l'habitude, vous pourriez expérimenter des sensations, avoir des ressentis désagréables. Des ressentis que vous n'aimez pas, des ressentis déplaisants. Par exemple, des douleurs, des engourdissements, des raideurs, de la dureté, tous ces types de ressentis. Et quand vous ne pratiquez pas la méditation, quand vous ne pratiquez pas Vipassana, si cela vous arrive, vous allez chercher à trouver une posture plus confortable, à changer de position, etc. Mais quand vous pratiquez la méditation, vous ne devriez pas le faire. Vous devriez essayer d'être patient, d'endurer l'inconfort. Et de cette façon, vous notez le ressenti tel qu'il est. Le ressenti déplaisant tel qu'il se manifeste. Si vous ressentez de la douleur, vous essayez de noter douleur, douleur, douleur. Si vous ressentissez de l'engourdissement, vous notez engourdissement, engourdissement, engourdissement. Si vous ressentez de la raideur, essentiellement dans le dos, vous notez raideur, raideur, raideur. Si vous sentez de la fatigue, vous notez fatigue, fatigue, fatigue. Vous notez chaque fois ces ressentis tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent. Alors, ce dont le yogi, ce dont les pratiquants a surtout besoin, c'est la patience. Et surtout par rapport aux sensations désagréables. Quand vous notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, là, vous n'avez somme toute pas besoin de tant de patience. Mais en ce qui concerne l'attention au ressenti, Vedana Nupassana, c'est autre chose. On ressent cette pratique comme difficile. On pense que c'est une pratique difficile. Mais si vous pratiquez la méditation vipassana de façon diligente, vous expérimenterez les ressentis. Vous expérimenterez les ressentis agréables et aussi les ressentis désagréables. Et au début, vous devez être patient avec les ressentis désagréables. Lorsqu'ils apparaissent, comme je viens de l'expliquer, vous devez essayer de les noter de façon rapprochée, de façon très attentive et avec beaucoup de patience. Lorsque vous notez ainsi les ressentis désagréables de façon rapprochée, vous allez être amené à connaître les différentes qualités de ces ressentis désagréables. Par exemple, la douleur, vous notez douleur, douleur, douleur. Pas seulement quelques notes mentales, vous notez autant que vous pouvez. Vous notez de manière rapprochée, de manière attentive. Et en notant ainsi, vous allez remarquer les différentes qualités de cette douleur. Même cette douleur va en fait s'accentuer, parce que vous la notez de façon rapprochée. Et vous allez en même temps voir de plus en plus les qualités différentes de cette douleur. Vous pourriez même commencer à ressentir de l'impatience, parce que en fait, vous commencez à connaître la nature de cette douleur. Et donc, elle vous semble de plus en plus forte. Et vous ressentez non seulement du désagrément au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. Et de cette façon, si vous notez de cette façon, un jour, lorsque votre prise de notes sera devenue puissante, vous ne percevrez même plus cette douleur comme douloureuse, vous n'aurez plus d'aversion pour cette douleur. Cela vous sera égal, que la douleur soit là ou ne soit pas là. Et aussi, vous pourriez expérimenter que cette douleur diminue en intensité, qu'elle devient plus faible, ou alors qu'elle commence à se déplacer ici et là. C'est donc pour cette raison que lorsque vous ressentez de la douleur ou des désagréments dans le corps, vous devriez essayer de ne pas changer immédiatement de posture. Vous devriez essayer de rester patient et de noter cette douleur de façon rapprochée. Donc essayez de rester immobile, essayez de ne pas changer de posture. Mais lorsque vous faites l'expérience de ressentis douloureux, vous ne parvenez pas à rester patient. Parfois, au début de la pratique, peut-être que vous ne pouvez plus endurer les ressentis désagréables, les douleurs ou quoi que ce soit. Vous essayez d'être patient, mais vous ne parvenez plus à le supporter. Et si c'est le cas, vous pouvez changer une fois ou l'autre, de temps en temps, mais pas trop. À l'occasion, vous pouvez changer de posture. Mais quand vous le faites, vous devez le faire avec l'attention, doucement, gentiment, pas rapidement ou de façon abrupte. Et vous notez changer, changer, changer, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre mouvement, votre ajustement. Et à ce moment-là, vous ne ressentez plus de douleur et vous reprenez l'observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Donc les yogis sont encouragés à rester assis 1 heure au moins. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas facile de concentrer son esprit. On doit faire face à toutes sortes de pensées. Les pensées apparaissent très nombreuses. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut que la méditation assise dure au moins 1 heure. De cette façon, vous avez le temps pour établir votre esprit sans que trop de pensées apparaissent. Et voilà, j'ai donné les instructions pour la méditation assise en bref, mais je reviendrai là-dessus pendant le Dhamma Talk à 1 heure. Donc la méditation en marche aussi, c'est très important. Après 1 heure de méditation assise, les yogis doivent pratiquer la marche pendant 1 heure. Donc vous devez pratiquer la méditation en marche. Vous pouvez choisir le lieu où vous la pratiquez. Et une fois que vous avez choisi votre endroit, alors vous faites des allers-retours sur cette piste de marche que vous avez choisie. Il ne faut pas que la piste soit ni trop longue ni trop courte, disons à peu près 5 mètres. Et vous devez garder le corps bien droit, ne pas pencher le corps vers l'avant ou la tête. De cette façon, si vous le faites, ça deviendra rapidement inconfortable. Donc essayez de vous tenir droit. Gardez les mains soit à l'avant, soit à l'arrière, les mains jointes. Ne balancez pas les mains le long du corps. Gardez les yeux, le regard vers le bas. De cette façon, vous ne pouvez pas voir très loin. Et vous faites seulement attention à votre pratique et pas au reste. Vous maintenez votre esprit sur les pieds. Et au début, vous pratiquez une note par pas. Vous notez pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche, de façon continue jusqu'à la fin de la piste de marche. Donc, vous pratiquez la marche attentive, avec attention, et vous devrez appliquer l'attention à chacun de vos pas. Votre esprit devrait suivre chacun de vos pas de façon rapprochée. Si vous ne le faites pas ainsi, si vous ne suivez pas chaque pas de façon rapprochée, votre esprit va être distrait. Et ce n'est pas un exercice de relaxation. On essaye par cet exercice de comprendre ce que le Bouddha a enseigné, c'est-à-dire le changement constant. La nature changeante de la réalité, la nature insatisfaisante de l'expérience et la nature de non-soi. Afin de comprendre ces trois caractéristiques de l'existence, il nous faut être énergique, à la fois mentalement et physiquement. Et donc, déplacez-vous gentiment, doucement, lentement, de façon attentive, ne vous déplacez pas rapidement. Essayez de suivre chaque pas de façon rapprochée. Lorsque vous levez le pied du sol, vous sentez le toucher avec le sol. Lorsque vous avancez le pied, vous ressentez le mouvement vers l'avant. Et essayez de suivre tout ça de façon rapprochée parce que l'esprit est très occupé, très agité. Et donc, il faut lui donner un objet. Aussi, je dis bien noter chaque pas. Je ne dis pas noter chaque pied. Ne notez pas pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, par exemple. Non, notez pas droit, pas gauche. Donc, lorsque tout au long de votre piste de marche, vous devriez noter chaque pas. Et lorsque vous arrivez à la fin de la piste, vous devez noter s'arrêter, s'arrêter, ou alors debout, debout, debout. Et vous notez ça avec beaucoup d'attention. Lorsque vous notez debout, vous savez que vous êtes debout. Mais ce genre de connaissance est très clair. Vous le savez vraiment parce que vous pratiquez l'attention. Lorsque vous pratiquez l'attention, vous êtes amené à prendre conscience de choses dans votre corps dans votre esprit, vous, par exemple, vous savez, vous voyez les raideurs dans le corps, mais vous connaissez cela de façon claire. Ou alors vous observez une posture, posture assise, posture debout, mais vous le savez pleinement. Vous en êtes pleinement conscient. Ou alors vous ressentez de la fraîcheur ou de la chaleur. C'est parce que vous êtes attentif, vous êtes précautionneux, vous observez. Et lorsque vous notez debout de façon attentive, de cette façon, il se pourrait que vous preniez conscience de quelque chose dans le corps. Voilà, je donne des clés parce que autrement, bon, les débutants pourraient se demander, mais pourquoi est-ce qu'on pratique cela? Pourquoi est-ce qu'on doit noter debout, debout? Et donc j'essaye de vous encourager à noter de façon attentive, à noter de façon respectueuse, précautionneuse. Pas, ne notez pas de façon nonchalante. Ne notez pas de façon superficielle. Ensuite, vous devez vous tourner, pas rapidement, vous tournez gentiment, doucement. Et vous notez bouger, bouger, bouger, successivement, l'un après l'autre, autant que vous pouvez, en observant chaque fois. Et vous notez se tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, 5, 6, 7 fois. De cette façon, vous pourrez comprendre, la claire compréhension va se manifester dans votre esprit. Et vous devez prendre votre temps. Vous ne devez pas vous dépêcher, vous presser. Vous allez tout doucement. De cette façon-là, la claire compréhension va pouvoir se développer jusqu'à ce que vous fassiez face à nouveau à votre piste de marche. Lorsque vous avez terminé de tourner, vous notez à nouveau debout, debout, debout, 5 ou 6 fois. Et ensuite, vous poursuivez la pratique comme précédemment, vous reprenez la marche en faisant une note par pas. Vous êtes ici dans un groupe, donc c'est possible qu'il y ait des débutants. Pour les yogis débutants, je conseille de faire seulement une note par pas quand vous pratiquez la marche, ça suffit pour l'instant. Pour les yogis habituels, réguliers, vous pouvez, après avoir fait pratiquer une note par pas un certain temps, vous pouvez poursuivre avec 2 notes ou 3 notes par pas. Mais voilà, je pense que ça suffit pour l'instant. On va interrompre l'enseignement et on poursuivra à 1 heure, 9 heures 9 heures du soir à Sydney. Sadhu, sadhu, sadhu.